c'est nos blockbusters. Moi, je suis de la génération où on attendait le samedi soir pour pouvoir voir notre série préférée ou le samedi matin pour pouvoir avoir aucune pitié pour les croissants. Donc, du coup, merci. Merci de refaire vivre cette excitation du « Ah, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est blockbuster. » Welcome to the Power Stone World 2. Frédéric, je voulais te remercier pour ton émission ainsi que toute ton équipe qui est franchement géniale. Je l'écoute depuis des années. Tout ce que tu abordes sont des sujets qui me parlent. Comics, manga, geek culture, séries, films, vidéos et j'en passe. Je suis ravi que vous ayez parlé, même si c'était que pendant quelques minutes, de Power Stone World 2 qui est quand même pour moi un immense monument du jeu de baston à l'époque, trop méconnu à mon goût. Encore merci. Alors Frédéric, ton émission sur Wolverine, j'avoue que tu m'as un peu perdu. Une telle riche aimée, je suis admiratif. Une telle richesse, une telle connaissance du monde des comics, du monde Marvel, de tous les dessinateurs, de tous les super-héros, des différents arcs scénaristiques. Chapeau. Parce que c'était de haute volée, mais désolé, tu m'as perdu. C'est pas grave, j'écouterai quand même le prochain épisode. To be or not to be, not to be. À l'heure où j'écris cet édito, me revient en tête cette scène surréaliste des Oscars 2022. Will Smith, l'acteur culte du Prince de Bel-Air, de Bad Boys, d'Ali, Men in Black, est allé sur scène, non pas pour recevoir un Oscar, mais pour filer un cocard. Il a retourné une grande tarte à l'humoriste Chris Rock, qui avait eu le mauvais goût de faire des plaisanteries sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith, qui souffre d'alopécie, une maladie qui provoque une perte de cheveux. Ce geste a suscité en moi plusieurs réactions. Outre que j'aurais aimé avoir Will Smith comme mari ces 15 dernières années à chaque fois que quelqu'un s'est foutu de ma tronche parce que je suis chauve, je me suis demandé à quel moment il était justifié d'aller gifler un humoriste qui fait des blagues qui vous offensent. Pétri par mes bonnes mœurs, la réponse me semblait être jamais. Eh bien non! Pour une grande partie des spectateurs du monde entier, Will Smith était dans son bon droit. Quand on s'en prend à ta femme, c'est une question d'honneur de sonner la fin de la récréation, ai-je lu entre autres réactions sur les réseaux sociaux. Utiliser la force serait une question d'honneur. À l'instar de ces guerriers d'antan, mousquetaires, gentilshommes et autres samouraïs qui demandaient réparation dans un duel à la première rosée du matin. Il y aurait de l'honneur à utiliser la violence face à une vanne, qu'on l'a jugée violente elle aussi. De l'honneur. Il y a quelques années, j'ai présenté un festival où j'ai eu le malheur de faire une vanne qui n'a pas du tout fait rire le président du jury, l'acteur Vincent Pérez. Ce dernier n'est pas venu me gifler sur scène. Il a attendu de remettre un prix pour prendre la parole et dire tout le bien qu'il pensait de ma prestation. Mots sur lesquels tous ses amis comédiens ont rebondi toute la soirée à chaque remise de prix. Ça n'était pas un acte de bonhomme mu par un honneur bafoué, juste des mots qui ont transformé la soirée en un long et lent calvaire dont je me souviens encore. Eh ben vous savez quoi ? J'aurais préféré une claque. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Vu que vous maîtrisez tous parfaitement le japonais, vous avez reconnu les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Exposition, film, roman, bande dessinée, jeux vidéo, animé. S'il y a bien une figure historique qui fascine et obsède la pop culture, c'est celle des samouraïs. De leurs armures impressionnantes à leur code d'honneur inflexible, le Bushido, le samouraï a été fantasmé sur quasiment tous les supports. De Toshiro Mifune dans les Chambaras d'Akira Kurosawa, à Jin Sakai dans le jeu vidéo Ghost of Tsushima, en passant par Kenshin le Vagabond ou Ghost Dog de Jim Jarmusch, le samouraï rayonne depuis des décennies. Mais qui étaient vraiment ces charismatiques guerriers? Pour le savoir, j'ai avec moi Vincent Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur général du patrimoine, directeur de la conservation et des collections du Musée National des Arts Asiatiques de Guimet de la ville de Paris, et vous êtes le directeur de collection de la très belle exposition « L'Arc et le Sabre » qui se tient jusqu'au 29 août 2022. Voilà. Alors, juste une précision, Guimet, c'est pas la ville de Paris, c'est l'État. C'est l'État. Voilà. Avec nous également, Sylvain Repos, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et illustrateur de BD. Vous avez reçu Le Fauve des lycéens au Festival d'Angoulême 2022 pour votre excellente BD Yojimbot, aux éditions d'Argo. Un récit de science-fiction dystopique qui mélange brillamment l'univers des robots et des samouraïs. C'est exactement ça. Avec nous, de retour, et on est ravis, Sullivan Rouault, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes directeur de la collection Mangetsu, une collection de mangas qui fait la part belle à de très très fortes histoires de samouraïs. Bah, on n'a pas fait exprès, mais c'est le cas. Évidemment, au téléphone, nous avons Julien Pelletier. Bonjour Julien Pelletier. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes auteur spécialiste du Japon médiéval, et en particulier de la figure du samouraï, ce qui explique que vous êtes avec nous. C'est bien ça. Et il était là, parce qu'on parle Japon. On parle histoire médiévale, donc forcément, j'ai même pas eu besoin de le venir, je l'ai invoqué, il a paru comme ça. Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste spécialiste en pop culture japonaise et un habitué de Blockbuster. Bah oui, je suis un peu votre Nakama, quelque part, voilà. Peut-on dire. Ensemble, on va tenter de démêler la part de fiction de la part de réalité historique autour des samouraïs. Quel était leur rôle, leur statut dans la société japonaise de l'époque? Comment la pop culture s'en est emparée? Quelles sont les œuvres cultes mettant en scène des samouraïs? Et on a un peu plus d'une heure pour découvrir tout ça ensemble. ご自由を受け腹を切れなれば左方にのっとって解釈してやろう。これは答えられ。この人物どういて何者だとか知らん。全く身に覚えなきこの子やい。何やつか。あんたさえよかったらどうなとしておくれ。 C'était un extrait de Baby Cart, la formidable adaptation du manga Lone Wolf and Cub, sorti en 1972. Manga culte sur lequel vous aurez prochainement droit à un blockbuster, je vous l'annonce. Vincent Lefebvre, première question. Comment et à quelle époque sont apparus les samouraïs au Japon? Alors, les samouraïs, on peut dater à peu près leur apparition. D'ailleurs, ils s'appellent pas encore samouraïs, on parle plutôt de bushi, de soldats, aux alentours du Xe siècle. C'est-à-dire à un moment de l'histoire du Japon qui correspond à ce qu'on appelle parfois l'Antiquité du Japon, l'époque de Heian. Heian, c'est l'actuel Tokyo, Kyoto, pardon, et c'était donc la capitale de l'empereur. Et en fait, les samouraïs, enfin ceux qu'on appellera quelques siècles plus tard les samouraïs, apparaissent dans l'entourage de seigneurs qui sont éloignés de la cour, donc qui sont plutôt dans les provinces, et ce sont au départ des petites escortes armées, donc c'est en quelque sorte des petites milices locales pour que ces seigneurs se puissent renforcer. Des petites armées privées ? Oui, en quelque sorte, oui. Ben, c'est un petit peu comme... alors la comparaison est un peu facile, on la fait souvent, et toute comparaison enfin n'est pas forcément raison, mais on peut comparer ça avec le développement de la féodalité au Moyen-Âge, où effectivement, à la fin de la période carolingienne, au début donc aux alentours du Xe, XIe siècle, on voit des seigneurs accroître leur pouvoir et constituer autour d'eux une garde armée. Donc c'est en quelque sorte une armée privée, oui, effectivement. Et comment on devient samouraï ? Alors, en fait, on couvre là une histoire qui est millénaire, puisque, je l'ai dit, on commence au Xe siècle, ça va aller jusqu'à l'extinction de cette classe avec la restauration Meiji en 1868. et on ne devient pas samouraï de la même manière à toutes les périodes. Au début, on constitue un groupe armé autour de soi, donc j'allais dire c'est les paysans du coin qui s'entraînent au maniement des armes, donc c'est vraiment de la milice privée. Et puis à partir du moment où on va passer dans la période, disons, médiévale du Japon, là encore, c'est des termes qu'on emprunte à l'histoire européenne, mais bon, c'est un peu pratique, donc les époques de Kamakura et de Muromachi. Là, les seigneurs prennent de plus en plus d'importance, donc c'est une époque vraiment de féodalité, de combat de seigneurs contre seigneurs. Le pouvoir impérial devient tout à fait résiduel. Et à partir de ce moment-là, ces seigneurs ont une assise territoriale, ils ont autour d'eux des groupes qui sont de plus en plus installés, avec une relation de loyauté et de vassalité vis-à-vis de leurs seigneurs, qui leur donnent en échange de leur vie, donc ils leur donnent des terres, des moyens de subsistance, et donc progressivement se constitue un groupe endogamique. Et donc ça va, au fil du temps, devenir un groupe, enfin on va être samouraï parce qu'on est fils de samouraï. Mais pour autant, un groupe social n'est jamais totalement clos. Et souvent, les cadets dans les familles qui ne peuvent pas hériter des terres, ils vont passer dans la roture, c'est-à-dire aller vers d'autres types de professions. Donc en fait, c'est une classe sociale qui va se structurer autour d'une éthique, d'une règle morale, et donc qui va se concevoir autour de ses privilèges comme quelque chose d'assez fermé, mais une classe sociale n'est jamais totalement fermée. Il y a des gens qui arrivent à y rentrer, et puis d'autres qui en sortent. Et pour aller plus loin, effectivement, on se rend vraiment compte en fonction des ères japonaises, puisque, comme a dit Vincent, nous on reprend des termes comme féodalité, Moyen-Âge, le Japon est vraiment découpé en ères bien strictes, en fonction soit du règne d'un empereur, soit de l'endroit où était la capitale. Et la figure du samouraï change complètement sur trois siècles d'écart. C'est pas du tout la même opinion qu'ont les Japonais des samouraïs. Et de même qu'il y a une époque où, parce qu'on était fils de samouraï, on devenait samouraï, il y a l'autre moment où vraiment des roturiers, des gens de peu pouvaient devenir samouraï. Je pense notamment à la figure de Oda Nobunaga. On va en reparler plus loin. Oui, on en parlera. Mais quand il a monté son armée au début, il a vraiment pris des gens de peu qu'on appelait des Ashigaru, qui étaient vraiment des paysans, qui, parce qu'ils étaient dans l'équipe qui a gagné, ont obtenu des titres. Donc vraiment, c'est en fonction des époques, en fonction des batailles, on pouvait devenir samouraï très bien parce qu'on avait eu du mérite au combat, ou à l'inverse, parce qu'on était descendant soi-même d'un samouraï. C'est un petit peu comme si on était un fils de bourgeois actionnaire aujourd'hui, ou quelqu'un de méritocrate qui avait réussi à monter tout seul l'échelle sociale. Donc, Julien Pelletier, si je résume ce qui vient d'être dit, à différentes époques, le milieu social d'où pouvaient venir les samouraïs a été très différent, en fait. Oui, absolument, ça a été très bien dit. Et d'ailleurs, pour ajouter et illustrer un petit peu le propos, la période vraiment considérée comme charnière, c'est la fin de l'époque dite Sengoku, c'est-à-dire vraiment l'âge d'or, si j'ose dire, des guerres civiles, hein, et qui s'achève par une période de réunification engagée donc par Oda Nobunaga, dont on a parlé tout à l'heure, et surtout son successeur, Toyotomi Hideyoshi, hein, sur un personnage tout à fait fascinant sur lequel on va probablement revenir, et c'est lui qui, en fait, parachève le processus de réunification du Japon sous son égide à la fin du XVIe siècle. Et en fait, il se retrouve à la tête d'un pays qui, bien sûr, est extrêmement militarisé, hein, puisque au terme de pratiquement un siècle et demi de guerre civile, il faut imaginer la proportion très importante de combattants très expérimentés, très aguerris. Et l'une des lois qui va promulguer et qui va peser de manière considérable sur l'histoire du pays, eh bien, c'est l'édit dit de séparation des classes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, effectivement, chaque individu va être un petit peu sommé de choisir à quelle classe il appartient. L'idée principale est de séparer la paysannerie de la classe combattante. Et oui, c'est des commerçants, des artisans, etc. Voilà, mais c'est principalement la porosité, la principale porosité à ce moment-là, elle est plutôt entre la paysannerie et la classe des futurs samouraïs. C'est par la suite qu'il y aura plutôt une porosité entre celle des marchands et des guerriers. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les guerriers vont émigrer, vont s'installer au pied du château dans les villes, avec un essor urbain, et ce qui va, par la suite, constituer la culture de la période Edo. Donc la charnière, c'est la fin du XVIe siècle, avec la grande bataille de Sekigahara, qui parachève aussi le processus de réunification, et sur lequel on va sans doute revenir. Alors, justement, quand on entend ça, est-ce qu'il est justifié de parler d'une seule figure de samouraï ? Parce que on apprend assez rapidement que leur rôle durant ce rayonnement a été très très divers. Il y a notamment un rôle culturel administratif qui a été assez important joué par eux. Leur oui, rôle... alors, c'est... Julien Pelletier et ensuite Vincent Lefebvre. Julien. D'accord, pardon. Oui, alors effectivement, on devrait parler de figure au pluriel, puisque c'est une classe qui est extrêmement hétérogène. Hein. Depuis le petit Achigalou, donc le fantassin très modeste, qui est souvent un guerrier saisonnier, un guerrier occasionnel, qui prend les armes lorsque l'occasion se présente et que la saison des récoltes est passée ou pas encore entamée. Entre ce personnage-là, qui occupe vraiment les rangs les plus modestes, et puis ce qu'on va appeler les daimyo, c'est-à-dire les grands noms, l'équivalent un peu de nos comtes ou de nos ducs, les grands féodaux, il y a bien sûr un monde. Ce sont les seconds qui vont plutôt jouer un rôle de parrainage, de patronage très important, effectivement, des arts, à compter de la période Muromachi. Là, effectivement, il est très important pour un seigneur de montrer qu'on est aussi un érudit, qu'on est versé dans la poésie, dans la cérémonie du thé, par la suite, qui va jouer aussi un rôle social très important, dans la connaissance des classiques chinois, des classiques de stratégie, mais aussi de la littérature de façon un peu plus large. On organise des concours de poésie dans son palais. On se sert de toutes ces pratiques-là pour s'entourer d'un aéropage de vassaux, d'obligés, de clients qui peuvent être issus de ou bien du monde des marchands ou bien du monde artistique, enfin de différents milieux, de différentes origines, qui toutes vont jouer un rôle et apporter leur contribution. C'est le zen qui c'est essentiellement du fait de l'adoption du bouddhisme zen au début de la période Kamakura que provient ensuite cette appétence pour les arts, puisque le zen cultive une espèce de culture du geste, de l'immanence, de l'impermanence des choses qui va ensuite se traduire dans différents supports artistiques. Vincent Lefebvre, c'est vrai que c'est une vision, c'est une grille de lecture très occidentale d'imaginer voilà les guerriers d'un certain type. Or, on voit que cette idée de virilité portée par le samouraï est beaucoup plus plurielle que la vision occidentale. C'est-à-dire que il y a la composition florale, on l'a entendu, il y a la cérémonie du thé. D'où vient cette sophistication plus importante, et notamment les liens avec le bouddhisme, mais aussi ce syncrétisme avec le shintoïsme. Alors là, en fait, on parle un petit peu au-delà de la question du samouraï, de la civilisation japonaise en général, parce que en fait, parler de la culture samouraï, ça revient à parler d'une grande partie de la culture savante du Japon, et la civilisation japonaise, elle dérive en partie, c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire, mais enfin la civilisation chinoise, qui est quand même le grand en Asie de l'Est, en Extrême-Orient, c'est le grand centre. Et il y a en fait, trois courants religieux au Japon, le shintoïsme qui est la religion plutôt animiste, qui est la religion locale, et puis ils vont importer le confucianisme, c'est-à-dire cette sorte d'idéologie chinoise, plutôt sous sa forme du néo-confucianisme de l'époque Song, et puis le bouddhisme qui apparaît au VIe siècle, et alors le bouddhisme qui d'ailleurs n'est pas une invention chinoise mais une invention indienne. Et d'ailleurs j'en profite, je reprends ma casquette qui est d'indianiste au départ, où en fait le mot zen qu'on emploie à tour de bras, en fait c'est l'abréviation de zenna, qui provient lui-même du chinois chan, qui est une déformation du sanskrit dhyana. Et dhyana, ça veut dire la méditation en sanskrit. Donc le bouddhisme, c'est une des branches du bouddhisme qui met en avant la méditation plus que l'intercession des bodhisattvas. Alors, en fait, la classe des samouraïs, ou disons celle des daimyo, celle des seigneurs, elle va soutenir fortement un certain nombre de monastères bouddhiques. De même, là encore, je fais cette comparaison un petit peu facile, mais de même que les chevaliers du Moyen-Âge faisaient construire des églises et soutenaient des monastères. Oui. Et très souvent, socialement, les moines peuvent être issus aussi de ces familles de samouraïs ou de daimyo. Alors, à l'origine, quand on est vraiment à la fin de l'époque Heian, les samouraïs, ce sont vraiment, ou plutôt les bushis, c'est c'est un peu les soudards, la milice armée, comme je le disais tout à l'heure. Ils se constituent un peu contre la noblesse impériale, jugée trop raffinée, efféminée. Au cours de la période médiévale, en acquérant du pouvoir, et ben justement, ils vont se rapprocher de la culture. Et la culture, elle va être promue par les monastères bouddhiques. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus leur statut social évolue, plus ils attrapent les stigmates de la classe bourgeoise qu'ils ont dénoncée pendant très longtemps. J'irais plus la classe nobiliaire, en oui. fait. Et en fait, alors qu'ils se constituent à l'origine contre la noblesse impériale, au fil des siècles, ils vont se rapprocher complètement. Et à l'inverse, la noblesse impériale va aussi adopter certains des codes de loyauté, de l'honneur, qui sont ceux des samouraïs. Et ça va aller encore plus loin à l'époque Edo, puisque là, on en rentre dans cette période très paradoxale, c'est-à-dire que pendant 250 ans, le Japon ne se bat pas, et va mettre au sommet de son élite sociale et au sommet du pouvoir ceux qui ont le privilège du maniement des armes. Donc des armes qui vont manier, j'allais dire, pour la parade, et donc doivent continuer à s'entraîner, mais ils ne s'en servent pas forcément, enfin très concrètement, ils ne se battent plus au combat. Et du coup, la part de la culture et de l'administration, de la maîtrise des lettres, va prendre encore plus d'importance. Mais justement, sur cette dimension de représentation, c'est-à-dire de guerrier qui finalement n'a pas non plus de guerre à mener parce qu'ils ont le pouvoir et tout ça, c'est vrai que dans l'imagerie populaire du samouraï, on voit ces armures impressionnantes avec ces casques qui font rêver. Et en fait, c'est souvent des armures d'apparat qu'il fallait entretenir pour faire des démonstrations, presque des défilés, plus que pour aller vraiment au front. Là, je vous réponds en conservateur de musée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a conservé autant. Parce qu'elles n'ont pas servi. Mais alors d'abord, les armures, elles prennent une tournure assez spectaculaire avec l'arrivée de l'artillerie. Les armes à feu au Japon vont conduire à des changements dans la conduite du combat, forcément. Oui, parce que ça, c'est assez intéressant, il faut le préciser pour le grand public. Donc, les samouraïs ont aussi œuvré pendant très longtemps avec des armes à feu dans leur histoire. Oui, à partir du 15e, 16e siècle, oui. Mais à ce moment-là, du coup, les techniques de combat ne sont plus les mêmes. Et pour le chef, il ne s'agit plus de conduire l'assaut, mais il se tient plus en retrait. Et pour être reconnu de ses troupes, du coup, il a besoin d'un casque plus spectaculaire pour pouvoir être reconnu de loin. Puis aussi, il y a une dimension très symbolique, mais avant tout, c'est d'ordre pratique. Et puis ensuite, comme on le disait, à l'époque, à partir du XVIIe siècle, effectivement, ça devient essentiellement de l'apparat. C'est une marque des privilèges. C'est-à-dire le fait d'être les seuls à avoir le droit de porter le sabre, enfin les deux sabres, le long et le court, c'est justement pour les distinguer de la paysannerie qu'on mentionnait tout à l'heure. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et donc, lorsque le shogun demande que tous les ans les daimyo se rendent à la cour de Edo, donc la moderne Tokyo, ils doivent justement parader, et leur voyage à travers le Japon nécessite qu'ils affichent tous les statuts de leur classe sociale, d'où tout cet apparat à travers les armures, les casques et puis l'ensemble du costume. Donc Julien Pelletier, quand je joue à Ghost of Tsushima avec des formidables armures qui me font rêver, en fait je suis en train de jouer avec une armure d'apparat. Oui et non, pas tout à fait. Alors pour le cas de Ghost of Tsushima, il y a eu quelques licences, quelques libertés qui ont été prises par les concepteurs du jeu. Pas trop, hein, globalement, c'est plutôt bien réalisé. Et on reconnaît bien d'ailleurs l'armure ancienne. C'est-à-dire cette armure en forme de boîte qui est caractéristique des cavaliers de toute la première période, on va dire, du guerrier japonais, c'est-à-dire celle qui voit s'épanouir la voie de l'arc et du cheval. Donc c'est d'abord de l'archerie montée qu'il s'agit, avant que le sabre, le fameux katana, devienne l'arme emblématique. Oui, des arcs très grands en plus. Voilà, et c'est vraiment l'arc, le yumi, donc le grand arc japonais qui est l'arme du samouraï. Et pour le manier à cheval, en croupe, eh bien, il faut qu'il revête cette armure tout à fait caractéristique avec ses grandes épaulières qui servent un peu de bouclier, hein, puisqu'il n'y a pas de bouclier dans l'escrime et dans les techniques de combat japonaises. Donc ça, c'est l'armure ancienne qui va Toujours pendant la période des guerres civiles, donc au XVIe siècle, évoluer vers l'armure moderne, Tosei Kusoku. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque je rebondis sur ce que disait Vincent. Il se trouve que les familles qui ont survécu à cette période extrêmement troublée, qui a vu disparaître en fait de nombreuses maisons, de nombreux clans détruits par les guerres civiles, affiche l'ancienneté de son pédigré en arborant des armures très anciennes, à la forme très archaïque. On se flatte justement et on montre son ancienneté avec ses armures très anciennes. Vous l'avez sans doute vu dans l'exposition. On distingue assez facilement en fait, hein, notamment au niveau de ses épaulières dont on parlait. Et pour revenir sur Ghost of Tsushima, le fameux masque du samouraï, le Menpo ou le Rambo, parce que ça dépend de la pièce qu'on porte. Le masque peut être intégral ou un demi-masque, voire une simple mentonnière. Ce masque, il apparaît plutôt là aussi au cours de la période Sengoku. Il est très peu ou pas du tout porté par les samouraïs, les guerriers montés de la période Kamakura, pendant laquelle intervient l'épisode des invasions mongoles, donc le contexte de Ghost of Tsushima. Donc là, c'est une petite liberté que les concepteurs du jeu ont pris. Il y a Sylvain Repos qui rigole parce qu'il se dit, mais là, Julien, en fait, il était là-bas et il est en direct du passé avec Vincent. Ah oui, j'ai exploré, c'était le thème de mon deuxième livre, les tentatives d'invasion mongole. Donc j'ai vraiment exploré, j'ai même pris le bateau depuis la Corée. J'ai suivi à peu près l'itinéraire de la flotte d'invasion mongole pour ressentir ce qu'avaient pu vivre à l'époque les envahisseurs mongols. Et je suis allé à Tsushima. Ouais. C'est pas vraiment. C'est pour le coup, c'est assez en dehors des sentiers battus. Mais c'est une île assez remarquable, très intéressante. Ben voilà. Voilà, c'est pour ça en fait qu'il connaît son dossier. Moi, pour ma BD, je suis allé à Tokyo manger des mochi, c'est un peu moins. Mais il n'y a pas d'inspiration plus ridicule que d'autres. Non, c'est de l'inspiration. Vu le sujet, évidemment, j'ai tenu à me faire plaisir en écoutant une de mes voix préférées du rap, le grand Shuriken avec Samouraï, tiré de l'album Où je vis, sorti en 1998. Vif, comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claque pas des genoux, t'es viré de la cour, tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir, dès le plus jeune âge entraîné, à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres, les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes, en somme voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'hérisse, les dents graissent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal, la moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent, on pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby, carte grandit entre le fer et la soie. La soie, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé, la nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes, quand t'as les sous, tu drives une 720 et tu touches des seins en lutte. Souvent on pute vite sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu, on se jettera dans la bataille. Pour l'honneur, comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi, tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi, tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Quand les corbeaux guerriers envahissent le quartier, quand le dragon brûlant fait peur aux commerçants, dans une fumée noire, comme si la nuit tombait, on fait appel à qui pour combattre les méchants? On fait appel à qui pour sauver les enfants? Aux samouraïs, Pizza Cats. À eux trois, ils sont plus forts que tous les robots mécaniques. Il y a Speedy, rapide comme l'éclair, et puis Polly, polyester, et Guido aussi, dur comme le fer. Quand il y a danger, on appelle qui? Les samouraïs, Pizza Cats. Les chats volants, toujours présents. 3, 2, 1, Pizza Cats arrive à temps. Le générique des Samouraïs Pizza Cats, chanté à tue-tête par Mathieu Pinon en studio. Dessin animé mettant en scène des chats samouraïs livreurs de pizza. Ça ne s'invente pas. Un dessin animé japonais diffusé sur la 5, non pas la 5, la 5e chaîne, la 5 de Berlusconi, en 1991. Mathieu Pinon, oui. Depuis le début, c'est vrai qu'on balance énormément de dates, d'époques. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite frise chronologique? Alors, on va essayer de faire ça de manière très, très condensée et on va survoler un peu tout ça. Donc, quand on parlait justement de l'origine à la base des samouraïs, on parlait donc déjà de la période Nara, qui est le 8e siècle, hein, grosso modo. Et en fait, au nord du Japon, il y avait ce qu'on appelait les Emishi. Et donc, c'était des peuplades qui descendaient un peu des Ainu. Et les Japonais qui vivaient plutôt du côté de Osaka voulaient conquérir le Nord et s'en trouvaient face à des guerriers extrêmement compétents, très très forts à l'arc. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à prendre leur technique de combat, donc d'archerie cavalière. Et les Heian ont intégré les Emishi au Japon. Et il y a eu plein de petites provinces qui se sont fracturées. Donc là, on arrive dans la fameuse ère Heian, qui est de 800 à 1200, hein, vraiment à la louche. Et comme les Emishi avaient créé des provinces féodales autonomes, c'est là qu'il y a ces fameuses milices privées qui apparaissent, ces petites armées privées. Et d'ailleurs, à l'époque, apparemment, samouraï serait une déclinaison du terme sabulai, qui veut dire être au service de. Donc on avait vraiment des armées au service des nobles. Et plus le temps passe pendant cette période, donc entre 800 et 1200, plus les provinces commencent à avoir de la liberté, le pouvoir est vraiment décentralisé, et les samouraïs commencent à prendre le contrôle, puisque ce sont eux les militaires, au point de créer ce qu'on va appeler le shogunat. Donc là, on va arriver avec un chef militaire, le shogun, Seller Kamakura, 1185-1333, et donc l'empereur est presque une figure fantoche, puisque c'est le shogun qui a pris le pouvoir. Et durant cette ère Kamakura, ce qui va se passer... On imagine bien que l'empereur, à ce moment-là, il n'est pas forcément joyeux de voir comme ça des seigneurs se... Il y a vraiment cette espèce de guéguerre intestine entre un empereur qui est là vraiment, qui est une espèce de marionnette, et le shogun qui, lui, possède le pouvoir militaire, donc il possède littéralement le pouvoir sur le pays. Vous me dites, hein, si je me trompe, hein, mais ça ressemble en fait à un coup d'État où on aurait eu la politesse de ne pas destituer l'empereur. Oui, c'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. Et pendant cette ère Kamakura, on va avoir cette fois-ci une nouvelle influence qui va commencer à rentrer, donc à savoir les fameux daimyo, ces seigneurs féodaux, qui eux vont arriver avec le pouvoir économique. Et petit à petit, les daimyo avec le pouvoir économique vont prendre le pas sur les samouraïs. Donc on a vraiment une espèce de triptyque cette fois, avec l'empereur qui est la figure tutélaire du pouvoir historique, les samouraïs qui sont le pouvoir militaire, et les daimyo qui ont le pouvoir économique. Arrive donc la fameuse ère Muromachi à partir de 1336. Et c'est là que ça va partir vraiment en vrille, puisque en 1450, grosso modo, le shogunat a à nouveau perdu son pouvoir. C'est les daimyo qui mènent la danse. Et on entre dans la fameuse ère Sengoku, qui va être une ère de 150 ans de guerre intestine. Vraiment, là, on est dans un Japon... Et parce que les seigneurs féodaux ayant pris de plus en plus d'importance, ils se disent bah, « Pourquoi je répondrai à tel ou tel... » Et puis surtout, il y a la terre du voisin qui m'intéresse. Pourquoi m'embêter à passer par le shogun? Pourquoi m'embêter à passer par l'empereur? J'ai mon armée de samouraï, il a son armée de samouraï. Tapons-nous entre gens civilisés juste dans notre coin, puis celui qui gagne, il aura plus de... Et là, on est sur une espèce de gigantesque partie de risque sur le Japon. Ou de jeux vidéo Samurai Warrior. Ou de jeux vidéo Samurai Warrior. Qui est scène 2. Oui. Et il va falloir attendre 1600, donc avec cette fameuse bataille de Sekigahara, 1570-1600, pour que des personnes comme Oda Nobunaga arrivent, et que grâce à eux, toutes ces petites querelles intestines deviennent une gigantesque guerre avec... À la fin, une seule personne qui va réunifier le Japon. Ça commence avec Oda Nobunaga. Derrière, il va y avoir Toyotomi Hideyoshi, qui est un de ses généraux, qui va prendre la relève. Et le dernier larron de la foule. Oui, la relève. Trahissant un petit peu. Un petit peu, si peu. Oui, parce que alors, c'est Games of Thrones. Hein, oui. Ça trahit à tout champ. Il y a des mariages arrangés, il y a des couches. Enfin, ça n'arrête pas. Et après Toyotomi, il va y avoir Tokugawa Ieyasu. Et donc là, on a vraiment les trois unificateurs du Japon. Alors, il y a un moment où ils sont tous ensemble, et puis après, ça se tire dans les pattes. Et Tokugawa finit tellement bien le boulot que la fameuse ère Edo, qui arrive à partir de 1600, après cette boucherie qui est la bataille de Sekigahara, est également appelée ère Tokugawa. Voilà. Donc, quand on parle de ère Edo ou de ère Tokugawa, on parle de la même chose. Et donc là, on est en 1600. Les samouraïs sont dans un pays unifié et pacifié. Par conséquent, il faut qu'ils trouvent un autre job. Donc, généralement, on va les avoir comme veilleurs de nuit, collecteurs d'impôts, ils vont être gardes du corps, coursiers. Enfin, voilà, des petits jobs où on a besoin de gros bras. C'est là qu'il y a les armures d'apparat, justement, pour montrer. Et au fur et à mesure, leur influence va décliner, jusqu'à la restauration Meiji en 1868, où là, ils sont priés même de ne plus porter de sabre. Vraiment, le samouraï devient une figure un peu du passé. Voilà, en gros, pour qu'on ait... Alors, désolé pour tous les profs d'histoire. Mais il y a Vincent Lefebvre et Julien Pelletier au téléphone, donc ça va, vous lui donnez, il a une bonne note. Oh non, ça va, on a survécu. En fait. Oui, ça va. Bravo Mathieu. Je peux te rajouter une petite remarque. Rajoutez. C'est que, justement, cette classe a mis en avant un code de l'honneur, mettre en avant la loyauté. C'est justement parce que, dans la pratique, l'honneur et la loyauté étaient peut-être pas toujours aussi pratiqués que ça. Oui. C'est-à-dire que quand on a besoin de mettre en avant, justement, les principes, Oui, en général, quand on est très très strict sur un dogme, en général, c'est parce qu'on sait qu'on a un gros problème avec. Je sais pas si Julien confirmera, mais le Bushido tel qu'on le conçoit aujourd'hui, en fait, il apparaît vraiment après 1600, au sens où, comme on a des samouraïs qui deviennent, donc comme je disais, veilleurs, gardes du corps, et qui travaillent dans la société, ils ont besoin d'avoir une certaine étiquette, une certaine politesse, et par conséquent, le Bushido est modifié afin qu'ils puissent s'intégrer plus facilement dans la société et avoir un comportement un peu plus commercial, marchand, policé auprès du public. Alors c'est ça, et bien c'est pas tout une petite précision d'ordre terminologique. On a tendance lorsqu'on étudie l'histoire japonaise, on délaisse le terme d'ère qui est vraiment la prérogative de l'empereur. Seul le souverain peut décréter un changement d'ère. Donc les ères sont vraiment associées au règne ou à des décisions prises par l'empereur. Elles sont très nombreuses et on va plutôt parler de période ou d'époque pour les grands découpages. Effectivement, je suis vraiment content que vous l'ayez dit, Julien, parce que moi-même j'étais outré. J'étais outré. Mais j'ai gardé tout pour moi. Précision terminologique. Mais c'est important. Mais c'est important alors, parce que souvent on dit ère Edo. Oui. Et alors qu'en fait c'est l'époque Edo. Et que notamment oui, dans le manga, période, dans notre métier, bah, du coup il y a des vraies réflexions là-dessus. Parce que pendant très longtemps, notamment dans Kenshin, on a dit l'ère Edo. Et en fait, moi je m'étais fait corriger par mes traducteurs spécialistes de la question et qui m'ont dit non, c'est l'époque Edo. C'est hyper important. Et c'est vrai que ça sonne moins bien. L'ère Edo, on l'a tellement intégré que bah, il y a quelque chose d'assez fluide. Et l'époque Edo, ça fait tout de suite beaucoup plus historien avec un grand H, quoi. Mais en fait, c'est super important en réalité. C'est comme le terme de préfecture, mais je vais vous embêter avec ça parce que c'est encore un autre. Oh bah non, mais allez-y, vu qu'on est en train de. Allons-y, pourquoi. Non, mais c'est parce que souvent on dit la préfecture de, et en fait on doit pas dire la préfecture, quoi. On parle de région et tout ça, ça n'a pas du tout la même fonction que ce qu'on utilise avec la langue française et tout, et ça fait partie de ce genre de petit vide de langage qu'on a dans le passage entre le français et le japonais, quoi. Le dur et long travail des traducteurs. Oh oui, on peut les saluer très fort. On peut saluer leur boulot. Et j'aimerais poser une question. Alors vraiment, c'est une question de néophyte. Et vraiment, c'est une question de néophyte en 2022. Mais y avait-il des femmes samouraïs? Il y en a eu. Oui. Alors c'était pas la majorité, mais il y a eu quelques femmes. Ben, alors de toute façon, c'est une classe sociale. Donc forcément, pour se reproduire, ils avaient des épouses, des filles. Enfin, et il y en a certaines qui ont combattu. Mais c'était pas la majorité. Et oui, c'est très très très anecdotique. Ouais. On a quelques cas documentés. On a pas mal de. Bien sûr, les chroniques sont pleines de femmes, de seigneurs ou de filles qui ont défendu le château ou le domaine en l'absence du mari, du frère ou du père parti guerroyer un peu plus loin. Ça fait pas d'elles pour autant des combattantes de plein droit. Donc il faut vraiment faire la distinction entre le guerrier professionnel, vraiment qui a embrassé la carrière des armes, et puis la formation minimale délivrée effectivement aux épouses des familles de guerriers pour qu'elles puissent défendre leur honneur en cas de chute du château, c'est-à-dire principalement se donner la mort après avoir essayé de défendre la place, comme leur mari. Elles sont tenues elles aussi en théorie de se donner la mort, alors pas en s'ouvrant le ventre mais en se poignardant à la gorge. Chacun jugera de la civilisation du degré de civilisation, mais ça se termine pareil hein. Voilà, dans un cas comme dans l'autre. Les cas de combattantes vraiment reconnues comme telles sont vraiment très rares, hein, faut quand même le préciser. Et il y a une autre figure très populaire ces dernières années dont on a entendu parler, c'est le fameux samouraï noir Yasuke. Est-ce qu'il a une réalité historique ou est-ce que c'est une sorte de fantasme moderne? Julien Pelletier. Ah non, il a une réalité historique. Alors on sait, son parcours est quand même entouré de quelques zones d'ombre. Ce qu'on tient pour à peu près acquis, c'est que Yasuke est originaire de l'Afrique de l'Est. Où vivaient en fait des tribus qui commerçaient avec les marins portugais et qui notamment commençaient en fait à vendre des esclaves, à trafiquer des esclaves. Donc Yasuke, depuis la côte africaine, rejoint l'Inde, Goa, où se trouve un grand comptoir tenu par les jésuites. Et c'est là qu'il est racheté par un jésuite, un missionnaire jésuite, qui ensuite se rend au Japon. Et là, il est présenté. Alors les jésuites ont mis le pied au Japon au milieu du XVIe siècle. C'est principalement grâce à eux en fait que les nations ibériques parviennent à commercer avec le Japon. C'est vraiment eux qui contrôlent les rouages du grand commerce maritime. Ils ont des serviteurs noirs. Nobunaga, enfin ce grand Yasuke qui est un gaillard très solide. Hein, en tout cas, il impressionne beaucoup ses contemporains. Il est présenté à Nobunaga, ce colosse, et Nobunaga est vraiment très impressionné par ce personnage. On dit qu'il aurait demandé à le faire laver puisqu'il pensait que sa peau noire en fait avait été maquillée. Il demande en fait à obtenir cette esclave, et apparemment Yasuke, qui est un garçon brillant, outre le fait que ce soit un grand gaillard, va apprendre quelques rudiments de japonais en quelques temps et servir dans la garde rapprochée de Nobunaga. Après, faire de lui vraiment un samouraï ou imaginer qu'il a été considéré comme un père par les guerriers et les proches vassaux de la maison Oda, je pense qu'il y a quand même un pas qui tombe un petit peu dans le romantisme et dans le romanesque. Cela étant dit, c'est un personnage qui a existé. Effectivement, on perd un petit peu sa trace à l'issue du coup d'État qui coûte la vie à Nobunaga en juin 1582. Il est apparemment impliqué dans la défense de Nobunaga du temple Honnoji où Nobunaga est acculé. Puis il rejoint le fils de Nobunaga qui lui aussi est tué dans le coup d'État, le fils héritier. Et là, on perd la trace de Yasuke. évoqué. Donc il apparaît brièvement dans les chroniques l'espace de quelques mois, mais il n'y a pas de raison de contester sa véracité historique. Bon bah voilà qui est beaucoup plus clair et en même temps, bah ça permet de valider aussi la manière dont la pop culture s'est emparée de cette figure, parce que Ayam en a fait le titre d'un de ses derniers albums, et il y a également un animé qui a été fait sur ce personnage qui est visible sur Netflix actuellement. Et justement sur la représentation des samouraïs en marge de la pop culture, Vincent Lefebvre, les samouraïs ont été représentés très très vite sur des estampes, au théâtre. La figure du samouraï, alors même que les artistes étaient contemporains de ces samouraïs, les ont fait exister dans d'autres médias assez rapidement. Oui, bah, c'est la représentation de l'élite, tout simplement. Alors, ça commence plutôt par le théâtre, effectivement. D'abord, dès le XIVe siècle, avec le théâtre No, qui est ce théâtre qui exalte justement les vertus guerrières, et qui s'inspire de thèmes plus ou moins historiques, donc de ces guerres de l'époque. Le théâtre No, est-ce qu'on peut rappeler son fonctionnement ? Alors le théâtre No, c'est un théâtre très ritualisé, très lent, où il y a une absence totale de décor. Le comédien se déplace très lentement, il porte un masque hein, qui déforme aussi sa voix, donc il y a l'expression du masque. Il y a ce son bizarre, qui nous semble bizarre. Oui. Et donc tout l'impact visuel se porte sur le costume. Le costume qui permet vraiment de situer l'action, qui permet d'identifier le personnage, s'il est jeune, s'il est vieux, si c'est un homme, si c'est une femme, si là, ça se passe au printemps, si ça se passe en hiver, enfin, etc. Il y a toute une symbolique du costume. Et donc ça exalte la thématique et celle, en fait, peut-être plus des seigneurs, hein, des daimyo, que des samouraïs, que des hommes de troupe. Et par ailleurs, les daimyo vont mécéner le théâtre No, c'est-à-dire qu'ils vont entretenir des troupes de théâtre. Certains, dont Hideyoshi, d'ailleurs, ne vont pas hésiter à jouer eux-mêmes des rôles. Donc c'est dire à quel point c'est perçu comme quelque chose d'un art noble par excellence. Et donc ça, le soutien à une troupe de No, ça fait partie de l'apparat qu'on a évoqué tout à l'heure, au même titre que l'entretien de l'armure de parade. Il y a une évolution ensuite avec le kabuki qui, alors, lui, va même se permettre d'ironiser sur la figure. Alors, le kabuki, c'est autre chose. Ça naît plus tard, au XVIIe siècle. Et ça, c'est une expression théâtrale beaucoup plus populaire, plus urbaine. Et qui reprend un peu cette thématique malheureuse. Avec une dimension plus chorégraphique, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup plus. Et donc, ça s'inspire aussi du théâtre de marionnettes. Avec des jeux de combat de samouraïs, mais c'est à double tranchant, si je puis dire. Les marionnettes qu'on anime à trois. Voilà, ça c'est le bunraku. Et dans le kabuki, c'est à double tranchant, comme je le disais, parce que parfois on va reprendre cette thématique guerrière pour l'exalter, et puis aussi, comme on est dans une forme d'expression plus populaire, et que l'élite, on les admire et puis de temps en temps on aime bien se moquer, voire même beaucoup parfois. Souvent il y a une dimension parodique dans le kabuki. Shikanshō, il saigne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui pense pouvoir me battre? Taoro, ne bouge pas d'ici, mon ange. Sensei, Kamiya-sensei. Hiruma, tu as enfreint les règles. La violence gratuite est proscrite ici. Le devoir d'un Kamiya, c'est de protéger les autres. Mais moi, j'en ai plus qu'assez de telles sons morales. Un sabre, ça sert à faire couler le sang. Cette lame a faim de chair fraîche. Elle n'en peut plus d'attendre. Et la tienne aussi. J'espère que ça te servira de leçon. À l'avenir, avant de faire l'idiot, n'oublie pas que ça t'a coûté l'usage de ta main droite. Honoré, je me vengerai. Tu es renvoyé de l'institut. Ne remets jamais plus l'épée dans ce dojo, sinon ça ira mal pour toi. C'était un extrait de l'adaptation en animé de Kenshin le Vagabond de Nobuhiro Watsuki. Un manga formidable sur lequel il y aura aussi un blockbuster. Ma question suivante, c'est justement, je parle de manga, et est-ce que les estampes qu'on peut voir dans l'exposition L'Arc et le Sabre, du musée Guimet, constituent en quelque sorte l'ancêtre de ce type de manga ? d'une certaine manière, parce qu'il faut se souvenir que l'art de l'estampe, c'est avant tout, c'est un art populaire. Par l'estampe, on pourrait parler de gravure aussi. C'est un multiple. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une œuvre originale, puisqu'on peut la reproduire à plusieurs reprises, même si les techniques de fabrication font que ils sont jamais tout à fait similaires. Mais enfin, et c'est pas très politiquement correct peut-être de le dire, mais au fond, l'art de l'estampe, au départ, ce n'est jamais qu'un tract publicitaire. Ce sont des planches d'impression, d'abord en noir et blanc, puis en couleur, qui sont là pour faire la publicité d'un artiste, d'une pièce de théâtre, justement, ou dans d'autres domaines, alors qu'on ne représente pas dans cette exposition, des courtisanes aussi, pour attirer l'attention sur les lieux de plaisir. Ce n'est que par la suite que ça devient un art, qu'on va développer aussi une estampe qui représente le paysage, donc les célèbres vues du Mont Fuji. Mais à l'origine, c'est plutôt lié à cette expression populaire. Et en fait, ce qu'on montre dans l'exposition, c'est plus les représentations de samouraïs que les samouraïs eux-mêmes. Alors, on a des estampes qui vont représenter certains samouraïs historiques, hein, ou des seigneurs, ou des personnages littéraires, mais la plupart du temps, et c'est le cas de ce qu'on montre le plus dans l'exposition, ce sont des portraits d'acteurs qui jouent des samouraïs. On est dans une mise en abîme. Totalement. Et il y a notamment la manga. Alors, un manga, l'inventeur, c'est Hokusai, au début du 19e siècle, enfin, premier tiers du 19e siècle, qui lui-même se qualifiait de vieux fou de dessin. Et parmi les nombreuses œuvres qu'il a créées, c'est ce qu'il appelait ses dessins futiles, ce qui est l'origine du mot manga. Et donc, ce recueil de petits dessins dans lequel il y a pas mal de scènes de combat. Et donc, effectivement, c'est l'origine du manga contemporain. Sullivan Rouault. Parmi les multiples possibilités de lecture autour de l'univers de samouraï dans la pop culture, parce que c'est vrai qu'on a abreuvé ça depuis des années, quelle est l'œuvre qui, selon vous, a lancé le mouvement ou celle qui est le plus intéressante, qui résume le plus cet univers-là ? C'est deux questions différentes, mais la plus intéressante, c'est Vagabond, de Takehiko Inoue. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, parce que ça permet de traiter la vie de Miyamoto Musashi. Je suis très étonné qu'on n'ait pas encore cité son nom depuis le début de cette émission. On vous l'avait laissé. Voilà, merci, j'apprécie, parce qu'en plus, c'est un de mes mangas préférés et un personnage historique absolument fascinant qui nous a quand même laissé le traité des cinq roues et des grands textes qui sont aujourd'hui complètement cultes pour comprendre l'éthique du samouraï. Après, il faut voir qu'effectivement, particulièrement l'époque Edo, elle est hyper narratogène, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a un décorum qui fait que tout est fait pour de l'histoire. Ça peut justement aller dans le quartier de Yoshiwara, donc avec les courtisanes et tout ça, comme on peut le voir avec Butterfly Beast, ou ça peut aller jusqu'au Shinsengumi, qui est vraiment le crépuscule du coup du samouraï par rapport au Japon contemporain, qui ressemble quand même beaucoup plus à celui qu'on connaît nous aujourd'hui. Qu'on trouve dans Chihiran, mais aussi dans Gintama, aussi dans beaucoup d'autres. Le Shinsengumi aujourd'hui. Ouais, et Kenshin aussi d'ailleurs, par ailleurs. Le Shinsengumi est aujourd'hui la partie qui a vraiment le vent en poupe dans la pop culture et le soft power japonais. Il y a un retour là-dessus. Il y a beaucoup de réflexions assez protectionnistes qui sont liées au Shinsengumi, qui était donc une milice qui protégeait Kyoto, qui était un petit peu débordée et dépassée par la modernité. Globalement, je schématise, faite de certains mercenaires et d'autres qui croyaient vraiment du coup à la survie de leur art et de leur mode de vie, du coup avec leur wakizashi, leur katana, etc. Mais pour revenir du coup à la question, celle qui a vraiment tout lancé, c'est Lone Wolf and Cub, et l'ultime adaptation du samouraï, c'est vraiment Vagabond, parce que dans Vagabond, sans rien spoiler, au bout d'un moment, enfin en fait, comme on suit vraiment la vie de Miyamoto Musashi, qui était quelqu'un d'extrêmement complexe, d'extrêmement riche intellectuellement, Repréciser pour le grand public qui il était véritablement. Alors je vais laisser les historiens le faire mieux que moi, parce que moi je vais être le boss des approximations, mais il est un peu considéré aujourd'hui comme le plus grand des samouraïs, quelqu'un qui a un petit peu bafoué justement certains grands codes du soldat de l'époque pour aussi vivre seul et se poser des questions seul. Quelqu'un qui a refusé l'amour et qui a refusé aussi tous les privilèges auxquels il pouvait avoir accès, pour se plonger dans une forme justement, pour reboucler ce qu'on disait tout à l'heure, de zen, de méditation, de réflexion sur son art, sur. C'était quelqu'un de très existentialiste en fait, pour le dire vite. Julien Pelletier, ça va ? Vous êtes encore avec nous ? C'est très difficile de parler de Musashi parce que la légende a tellement débordé sur le personnage historique sur lequel finalement on ne sait pas tout, que c'est assez délicat. Et finalement, on s'aperçoit que, et ça vaut pour Vagabond, de ce que j'en sais en tout cas, c'est vraiment la vie romancée par Yoshikawa Eiji, donc dans les années 1930. Hein, c'est le grand roman picaresque, le grand roman de KPDP qui va populariser la figure du samouraï à travers le monde. Hein, c'est un best-seller extraordinaire mondial, qui est l'un des jalons des pierres angulaires du soft power japonais, hein, qui commence dès le siècle dernier. Et c'est grâce donc le livre qui est publié en français sous le titre La pierre et le sabre, et oui, la suite, La parfaite lumière, tout simplement Musashi en japonais dans sa version originale. Et c'est quand même cette œuvre-là qui va cristalliser une version complètement idéalisée du personnage de Musashi, avec ses zones d'ombre aussi, hein, mais pour ce qu'on en sait historiquement, il est très probablement né en 1584, il meurt en 1645. Effectivement, c'est l'archétype du Musha Shugyo, du Shugyosha, c'est-à-dire du chevalier errant en quête de perfection, d'améliorer son art, son escrime, qui va donc défier au fil de son périple différents maîtres d'armes pour se faire un nom. Hein. À l'époque, on est à la fin des guerres civiles, et donc le Japon est parcouru par de très nombreux samouraïs qui ont perdu leur emploi. Les places de maîtres d'armes sont rares et convoitées. Pour se faire un nom, il faut briller le sabre au poing, lorsqu'on n'a pas d'autres compétences. Et donc Musashi va devenir vraiment l'archétype. Il va aussi servir très clairement à idéaliser la figure du samouraï à une époque où beaucoup sont tombés, on va peut-être en parler, dans le brigandage ou en tout cas vivotent dans des activités pas forcément très glorieuses. Oui, maintenant on connaît l'inspiration de Mitsurugi Soul Calibur. Dans Soul Calibur. Mathieu Pinon. Par rapport à ce que disait Julien, justement, ce côté picaresque et ce côté la légende dépasse la réalité sur l'homme, pour faire, comme disait Vincent, un parallèle, encore une fois, avec l'histoire française, européenne, qui n'est pas forcément du meilleur goût, mais qui a le mérite d'être assez lumineux, enfin assez clair, on peut comparer Miyamoto Musashi dans son impact sur la pop culture avec D'Artagnan en France. C'est-à-dire que D'Artagnan, on connaît très peu la véritable histoire de D'Artagnan. Par contre, on voit très bien ce qu'incarne la figure de D'Artagnan au niveau de l'épéiste, de ce personnage très picaresque. On peut faire exactement ce parallèle avec Miyamoto Musashi, au sens où, quand on parle de Miyamoto Musashi, on a un concept en tête, plus qu'une vérité historique qu'on va vraiment connaître, parce que donc il y a vraiment la figure de Musashi, le livre de La pierre et le sabre, que tout le monde connaît, tout comme nous on connaît D'Artagnan via Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Brajeune, etc. Et on connaît pas vraiment la vraie vie de D'Artagnan. Il y a ce très bon jeu vidéo Musashi Den aussi. Voilà. Et voilà, petit clin d'œil. Ben voilà. Sylvain Repos, oui. Vous avec Yojimbo, vous avez dessiné des tonnes et des tonnes de samouraïs avec, là je fais vraiment un compliment que j'ai ressenti en découvrant la bande dessinée, avec un art du découpage et de la mise en scène qui est incroyable. Et donc forcément, quand on lit cette bande dessinée, on se dit, l'auteur qui est à l'origine de cette bande dessinée a vu énormément de Chambara, maîtrise exactement les costumes de samouraï, la manière de tenir un glaive, etc. Est-ce que c'est vrai ou alors non, c'était spontané, je suis un génie. C'est ma première rencontre en termes de pop culture avec les samouraïs. Moi, c'était dans Star Wars. Du coup, avec justement les Jedi qui avaient déjà cette tenue et cette silhouette, en fait, hyper identifiable. Vraiment une silhouette avec un kimono et un sabre à la main. Et en fait, ça a été gravé très tôt dans ma rétine, vraiment, depuis que j'ai 5 ans, j'ai cette image-là, en fait. Et à chaque fois, à chaque étape de ma vie, il y avait une nouvelle œuvre de pop culture qui venait encore plus ancrer ancrer cette image-là. Et en fait, moi, c'est devenu quasiment mon vocabulaire visuel. Dès que j'ai voulu habiller mes robots, instantanément, je les ai mis en kimono. Dès que j'ai dû les armer, je leur ai donné des armes de samouraï. Et en fait, je me vois pas dessiner autrement que dessiner ces personnages en kimono avec des grands mouvements de sabre, justement, qui permettent d'accompagner l'amplitude d'un mouvement. Avec tout se draper, m'amuser avec créer des nouvelles silhouettes avec leur ceinture un peu plus haut, un peu plus bas. Du coup, moi, ça a été vraiment une évidence, en fait, de dessiner des samouraïs, dessiner des kimonos, des sabres. Et du coup, des temples aussi. Et des temples, oui. Du coup, un voyage au Japon m'a bien aidé. J'ai pas fait que manger. Les torii, etc. Ouais. Oui, oui, bah toute l'imagerie en fait japonaise pour moi c'est un amour sincère pour tout ce qui est en fait. Je sais pas comment dire, tout le mobilier urbain japonais, oui. Que ce soit de l'époque Edo, que ce soit de... J'ai même vu le clin d'œil à Yojimbo de Stan Sakai. D'Usagi Yojimbo. Yojimbo. Oui, oui, du coup, moi... Le samouraï. Toute la culture qui tourne autour des samouraïs, j'en suis friand vraiment depuis que je suis tout petit. Et alors justement, dans la manière d'illustrer les affrontements, il y a des codes graphiques très précis qui m'ont frappé en préparant cette émission. C'est que le samouraï, là où par exemple dans des bandes dessinées d'arts martiaux, il y a un découpage des coups, des esquives, etc. qui est très précis, dans les affrontements, et ça je pense que c'est le legs du Chambara, il y a cette idée que les deux adversaires se regardent comme ça, un peu à la manière d'un film de Sergio Leone. Et tout d'un coup, il y a ce moment où ils courent l'un vers l'autre, il y a un slash, et ils sont tous les deux dos à dos, on ne sait pas ce qui s'est passé, et tout d'un coup, un geyser de sang, et on voit l'adversaire au loin qui s'écroule. Il y a quelque chose de l'ordre du ballet qui est très codifié dans les passes d'armes de samouraï et qu'on retrouve aussi dans Yojimbo. Ouais, bah j'ai regardé beaucoup de combats de kendo et ce genre d'art martial où justement c'est vraiment l'art de se regarder pendant 2 minutes et faire une toute petite passe, et en fait ils ont fait 3 touches, on les a même pas vus, et en fait c'est hyper impressionnant. Et bon, toute la pop culture s'en est vraiment emparée en le stylisant au maximum. Du coup j'ai parlé de Star Wars dans mes premiers chocs visuels, mais le deuxième vrai choc, ça a été encore une œuvre américaine, mais c'était Samurai Jack. Oui. Qui jouait énormément là-dessus avec, oui, justement des de Glenn et, ouais, Gendy Tartakovsky, ouais, où justement il y avait cette stylisation au max, où c'était vraiment les personnages qui se fonçaient, ils ont fait aucun mouvement, vraiment l'animation était vraiment figé, mais à la fin tu vois un des deux personnages vraiment coupé en deux, et en fait ça, justement tous les combats japonais, tous les combats de sabre laissent beaucoup de place aussi au spectateur à se dire qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas vu, il a dû faire cette petite passe, il a dû le couper au milieu ou je sais pas. Et en fait moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de combat, où t'as pas besoin de montrer vraiment le sabre tranché quoi que ce soit, tu montres le avant, le après, et justement tu peux jouer là-dessus et jouer sur cet impact là intéressante. Oui, parce que du coup en plus si tu le montres pas, ça veut dire que ça s'est passé extrêmement rapidement, et du coup avec le médium de la BD et la séquentialité, on peut vraiment jouer là-dessus sur en fait l'espace entre les deux cases était trop rapproché, donc j'ai pas pu le montrer, donc ça fait que on se dit c'était méga rapide. Mathieu Pinon, c'est vrai que cette image du samouraï, on la retrouve absolument partout. On la retrouve dans Lupin, dans l'équipe de Lupin, connue en France sous le nom de Edgar, le cambrioleur. De la cambriole. Le cambriole. Il y a un samouraï. Dans l'équipage de Luffy, il y a aussi 2 samouraïs, Brook et Zoro. Il y en a vraiment partout aujourd'hui dans un jeu, le jeu qui truste les mémoires et le temps d'attention des joueurs du monde entier, Elden Ring. Il y a une classe de samouraï avec ce sabre, voilà, qu'on dégaine et qui généralement en plus est très puissant. C'est incroyable. En fait, la figure du samouraï dans la pop culture, alors il y a 2 choses. La première chose, c'est vraiment, je reviens sur ce que dit Sylvain par rapport à la vitesse, enfin le découpage. Là encore, si on revient à l'époque d'Edo, quand les samouraïs ont commencé à tomber en désuétude, il y a ce côté, le kendo est apparu à ce moment-là, et il y a cette espèce de mythe du samouraï épéiste, extrêmement talentueux, qui est arrivé, exactement comme aujourd'hui, quand on va regarder un western, on va avoir des cow-boys qui tirent au pistolet à des distances dingues, alors quand on voyait les pistolets de l'époque, vraiment, si on pouvait toucher quelqu'un à 10 mètres, c'était un exploit. Il y a vraiment ce côté mythique de l'art du sabre qui s'est développé, donc, a posteriori, à partir du XVIIe siècle. Donc, il y a vraiment cette première chose que je voulais mettre. Et l'apparition du samouraï dans la pop culture, en fait, c'est une espèce de gloubi-boulga, au sens où, à travers des mythes comme Nobunaga, qui pouvait être, ou Musashi, des figures très romanesques, on a retrouvé des récits un peu épiques pour les enfants qui faisaient rêver des grands récits d'aventure. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon a été sous tutelle américaine entre 1945 et 1951, les Américains ont bien demandé à ce qu'il n'y ait aucune fiction qui puisse évoquer le nationalisme japonais. Qui exhale le sentiment belliqueux. Il n'y avait pas d'arts martiaux, il n'y avait pas de samouraïs, il n'y avait pas de ninjas. Ça a vraiment été mis sous censure américaine. Et à partir de 1951-1952, le samouraï a pu revenir. Et c'est pour ça que Les Sept Samouraïs 1954 d'Akira Kurosawa est vraiment un grand événement déclencheur, mais d'un revival du samouraï. Et suite à ce succès... C'est une réappropriation. Cette réappropriation fait que sur un demi-siècle, on a pu voir le samouraï arriver dans toutes les strates de la pop culture japonaise. Et ce dynamisme était tellement dingue qu'il a même été propulsé jusqu'en Occident. Donc on va se retrouver avec à la fois le mythe du samouraï et son pendant, entre guillemets, obscur, qui est le mythe du ninja. Et ça, c'est arrivé, mais ça c'est... je ne sais plus comment ça s'appelle, cette série avec Richard Chamberlain sur les samouraïs, mais ça... Oui, Shogun. Shogun. Enfin, on en a eu à toutes les sauces. Alors, ce qui est très amusant, c'est vraiment de voir que l'Occident a pris ce mythe et l'a adapté à sa sauce. Hein, c'est un petit peu comme ceux qui mangent des sushis avec une sauce sucrée. Et alors qu'au Japon... Le vieux dossier. Alors qu'au Japon, on est sur quelque chose... Voilà, Nobunaga... c'est vraiment une icône. Le Shinsengumi, on a je ne sais combien de mangas qui vont en parler, et soit qui vont en parler stricto sensu, avec le côté très historique, soit qui vont nous les recycler, le Boys Band Shinsengumi, le Shinsengumi dans l'espace. Ce sont des figures qui sont reprises avec de manière totalement décomplexée, parce que tous les Japonais les connaissent. Et pas seulement, mais en manga, il y a aussi la bande dessinée Samouraï, il y a Oko aussi qui traite. Ah mais c'est vraiment toutes les strates, hein. Ça s'est dilué, mais parce que il y a ce côté, encore une fois, il y a ce côté protéiforme du samouraï. On peut avoir aussi bien le samouraï qui est juste un milicien, on peut avoir le samouraï chef de guerre, on peut avoir le samouraï déchu. On n'a pas encore parlé des ronin. Alors parlons des ronin. Ça va venir juste tu voilà. Patientez un petit peu, s'il vous plaît. Non, mais souvent on en parle comme étant les samouraïs sans maître. C'est plus des samouraïs qui avaient perdu leur terre parce qu'ils étaient fauchés et que donc ils avaient plus qu'à errer à travers le Japon en espérant trouver un job ici ou là. Donc on a vraiment tout le spectre de la figure, aussi bien héroïque que pathétique. Mais c'est du bonbon pour des scénaristes. Le générique de l'animé formidable Samouraï Champloo de Shinichiro Watanabe, diffusé en 2006 sur Canal+. Et vraiment, je pense qu'on peut prendre quelques secondes quand même pour parler de Samouraï Champloo. Shinichiro Watanabe, c'est le créateur de Cowboy Bebop. Ça a été... Personnellement, j'aurais tendance à dire que je trouve que Samouraï Champloo est presque plus abouti encore que Cowboy Bebop dans l'expérimentation, dans quelque chose de graphiquement immédiatement inoubliable. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous l'avez découvert? Chacun a sa petite préférence entre les deux, je pense. Moi, je suis plus Team Cowboy Bebop, mais c'est vrai que rien que la BO de Nujabes sur Champloo, ça change un peu tout. Mais il y avait aussi Afro Samouraï à l'époque. Oui, Afro Samouraï. Qui a beaucoup, beaucoup contribué. Samuel L. Jackson. Avec Samuel L. Jackson, exactement. Super jeu vidéo aussi, oui. D'ailleurs, oui. Qu'en était dérivé. Mais oui, Samouraï Champloo, c'est absolument extraordinaire. Parce que Bon, c'est toute la carrière de Watanabe qui est comme ça, mais ça permet un petit peu de sortir du carcan très idéalisé et justement très soft power du samouraï et de se retrouver avec des jeunes un peu fauchés qui sont justement très proches de la figure du Ronin et tout ça, et qui sont hyper irrévérencieux, ce qui, dans un Japon d'époque, est quelque chose qui est pas forcément admis. Alors d'ailleurs, non pas que je voulais parler de mes titres, mais ça fait un peu écho à Keiji aussi, qui est Kabuki Mono, mais qui du coup est lui-même samouraï. Vous voyez dans mon esprit les transitions que je veux faire, donc c'est top. Ah, c'est vrai, bon, bah, très bien. mais c'est vrai que Champlou, c'est un chef-d'œuvre qui mérite d'être découvert et qui, j'ai l'impression, tombe un petit peu en désuétude, notamment par rapport à Bebop. Oui. Non pas parce que Bebop a été adapté en live action, malheureusement d'ailleurs, sur Netflix il y a peu de temps, mais j'ai l'impression qu'on est passé un peu vite dessus sur Champlou. C'est quelque chose de finalement très générationnel de la fin des années 2000, alors que, bah, rien qu'en termes d'animation pure et de technique et tout ça, et Sylvain le citait tout à l'heure, ça me faisait plaisir qu'un dessinateur en parle, mais le samouraï, c'est aussi un cheat code pour les dessinateurs et les animateurs, c'est-à-dire qu'il y a des drapés et des sabres. Donc les deux cheat codes pour une belle silhouette qui va bien s'animer et qui en mouvement va permettre d'exister, d'occuper l'écran ou la page ou quoi. Et dans Champlou, il y a des chorégraphies et des scènes qui sont juste extraordinaires. Ouais, justement, c'est ça qui est hyper intéressant de Samurai Champloo, c'est que en fait il y a beaucoup de styles de combat. Parce que je me rappelle plus du nom des personnages, mais il y a le sabreur classique, très kendo, et avec ses lunettes. Avec ses lunettes, qui lui vraiment joue sur tous les codes du samouraï, très mutique, vraiment ses deux coups et ses pliés. Et à côté de ça, il y a l'autre personnage plus virevoltant, plus acrobatique, avec du poil aux jambes. Oui, Mugen, qui du coup lui a un côté plus sale, vraiment, lui il hésite pas à faire des coups en traître, vraiment, du coup il y a, et même faire du breakdance, et même la capoeira, ouais, il fait un peu tout, ouais. Vraiment, et du coup il y a vraiment tout l'éventail de ce qu'on peut faire avec un sabre dans Samurai Champloo, ce qui est vraiment un peu ouf. Pour en plus, l'animation a vraiment pas vieilli, justement elle est même de meilleure qualité que beaucoup de choses actuelles, donc vraiment c'est faut foncer dessus si jamais c'est pas. Julien Pelletier, vous avez été sensible, vous, à ces réinterprétations du mythe du samouraï ? Je vais être honnête, je connais très très mal. C'est vrai que je suis pas un grand lecteur de manga et ni un grand pratiquant de jeux vidéo. Donc je suis ébahi par votre impressionnante culture en la matière. Mais je suis un petit peu là. Alors là, vous inquiétez pas, nous on pense la même chose. Votre connaissance historique depuis le début, donc. Ok, bon, c'est gentil. Non, mais je connais les grands personnages. Je vois les silhouettes du Samurai Champloo, Cowboy Bebop, mais je connais pas les récits. Donc, mais c'est ça qui est intéressant en vous écoutant avec Vincent Lefebvre. Ce que je me disais, c'est que il y a autour de cette table des gens qui ont constitué une connaissance pléthorique de ces personnages par la fiction et par la passion, et vous qui avez une connaissance pléthorique par l'histoire et la culture de ce pays. Et ça me semblait intéressant de voir les liens qui pouvaient se faire entre vous et voir en fait à quel point, même à l'écoute, ça se complète parfaitement. Bah ça rejoint un peu la parenté entre le chevalier médiéval historique et tout son imaginaire. Le samouraï fait partie aussi de ces grandes catégories guerrières qui ont vraiment influencé l'imaginaire planétaire, quoi, si j'ose dire. C'est vraiment le fer de lance du soft power japonais, l'un des fers de lance en tout cas. Et Vincent Lefebvre, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire un autre exemple d'une société dominée comme ça par une caste de guerriers ? Alors, en Asie, à proprement parler, non. Alors, en fait, toutes les grandes civilisations du monde, elles ont été dominées à un moment ou à un autre par les militaires, oui. Hein, quand même. Mais pas toujours avec la même importance. Dans l'esprit chinois, c'est le lettré qui est au sommet de la société. En Inde, les kshatriyas, la caste guerrière et royale est très importante, mais symboliquement, le brahman est au-dessus. Peut-être que ce qui s'en rapproche le plus, c'est la chevalerie européenne. Même si il y a la place de l'Église dans l'histoire médiévale européenne qui est particulièrement importante. Parce qu'il y a quand même toujours le pouvoir séculier, enfin le pouvoir séculier est en dessous du pouvoir de l'Église, normalement. Mais je dirais, la chevalerie, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus parce qu'il y a à la fois le groupe social en tant que tel et puis le mythe autour. Et là aussi, là on peut faire une comparaison, c'est que le mythe de la chevalerie, il va se développer peut-être encore plus quand la chevalerie disparaît. C'est François Ier, le premier des rois humanistes en France, qui se fait adouber chevalier sur le champ de bataille de Marignan. Et puis ensuite, au XVIIe siècle, on a l'Arioste, ou le TASS avec le Roland Furieux, la Jérusalem délivrée, qui vont créer cette sorte de mythologie du chevalier. Et en fait, c'est un peu la même chose qu'on voit avec le samouraï, parce que c'est à partir du moment où il n'a plus vraiment la mainmise sur les armes, c'est au moment de la paix, et encore plus lorsque l'institution des samouraïs disparaît, que le mythe prend toute la place. Et justement, cette idée de disparition des samouraïs, Sylvain Repos, je me demandais si c'était pas finalement ça qui séduisait le grand public dans l'image du samouraï, parce que je trouve que il y a beaucoup de similitudes, notamment avec les films de cow-boys déconstruits de Clint Eastwood, un peu crépusculaires. C'est souvent un monde qui est sur le point de disparaître, et le samouraï ou le cow-boy incarne souvent ça dans des grands films. Voilà, une époque qui est en train d'être renversée par l'industrialisation. Et en fait, en lui, il porte l'idée de quelque chose qui disparaît, et des fois même de valeurs qui vont disparaître avec lui. Oui, bah justement, pour reciter Star Wars encore une fois, quand il parle du sabre laser, il parle de l'arme noble d'une période civilisée, et généralement, ça marche super bien avec l'image du samouraï, parce qu'on sent que c'est un personnage hyper passéiste, vraiment qui vit vraiment à l'ancienne, alors que le monde change. Lui, il veut continuer de se battre avec un sabre. Il y a toute cette idéologie là qui marche hyper bien, justement pour créer une narration, pour montrer ce personnage qui veut pas changer, qui veut pas que son monde change. Et justement, on va de plus en plus. C'est un gros réac, en fait. Oui, mais un petit peu, je trouve, parce que du coup, il veut continuer de s'améliorer dans un domaine qui est voué à disparaître. Donc c'est toujours hyper intéressant, et justement Sullivan citait Vagabond. Il veut s'améliorer dans un monde où il va disparaître. Ça c'est très intéressant. Ouais, c'est toute l'essence. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui creuse sa propre tombe, puisque il met son sabre au service de la paix. Son but, c'est qu'on arrive à un monde pacifié. Mais quand on n'est plus dans besoin un de lui. Monde pacifié, on n'aura plus besoin de lui. C'est ça vraiment tout le paradoxe, et c'est ça qui est très très intéressant dans cette figure. Je pense que c'est pour ça qu'elle a franchi si facilement les frontières du Japon. Et tout à l'heure, on parlait de Samurai Champloo. Je voulais juste rajouter quelque chose qui est très marquant pour moi par rapport à Samurai Champloo, c'est que la série est arrivée au Japon à une époque où la figure du samouraï était en train de réapparaître dans le cinéma américain, notamment avec des films comme Ghost Dog, où on avait des parias. Avec Forest Whitaker de Jim Jarmusch. Voilà, qui reprenait tous les codes d'honneur du samouraï pour pouvoir survivre, et qui généralement allait vers un destin tragique. Et de voir que les États-Unis avaient repris ces codes, quelque part, Samurai Champloo est un complément, puisque c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans l'univers des samouraïs, mais dans lequel on injecte les codes de la pop culture américaine contemporaine. Donc il y a vraiment cette espèce de passerelle entre la figure du samouraï reprise par les États-Unis et Samurai Champloo, qui reprend les codes de la pop culture américaine pour les inculquer dans les films de samouraï. Je trouve que c'est très intéressant de voir que cette figure peut être servie parce qu'elle est vraiment unique dans ce sens où, ouais, j'avance vers un destin qui sera forcément négatif, puisque je creuse ma propre tombe quelque part. Sylvain Rouault. Elle est unique, et puis surtout elle est facile à comprendre, en fait. C'est-à-dire que Sylvain, avec Star Wars, du coup le cite bien, mais on comprend très vite les lignes de force de ce qui fait un samouraï et l'éthique samouraï. Et toute cette espèce de dichotomie entre ce guerrier qui a cherché un idéal jusqu'à presque l'atteindre, mais justement pour sa propre perte, parce que l'appel est le remplacer, bah c'est quelque chose qu'on ressent un petit peu tous dans la vie, cette mission qu'on se donne tous, cette quête qu'on a chacun face à un monde capitaliste rampant, de moins en moins humanisé et tout ça. Et du coup, il y a le samouraï représente la noblesse par défaut, mais effectivement une noblesse crépusculaire qui est appelée à disparaître, quoi. Et puis on l'a vu, on l'a vécu, puisque c'est de l'histoire vraie. Mais il y a une force d'Uchronie quasi utopiste en revenant au samouraï qui est immense, en fait, parce qu'on a l'impression d'avoir atteint une sorte de fin de ce qu'on pouvait faire, qui a été remplacé ensuite par le commerce rampant, par justement aussi les Portugais et les Hollandais, qui ont beaucoup ramené cette approche européenne du coup proto-capitaliste, quoi, du siècle d'or, Amsterdam, tout ça, au Japon, et qui en fait s'est écarté de ce que le Japon avait réussi à atteindre après du coup la bataille de Sekigahara et cette unification et tout ça. Et donc là, quand je le dis, il y a beaucoup d'éléments, mais en fait, en vrai, en 5 minutes, on comprend ce qu'est un samouraï. Et tous, enfants, je pense qu'on a le souvenir d'avoir vu le samouraï et compris le samouraï très vite, que ce soit avec Star Wars, que ce soit avec Lone Wolf & Cub, que ce soit avec Baby Cart, ou d'autres choses. Et ça, vraiment, ou le samouraï d'argent dans les X-Men, par exemple. Et mais qui aussi fonctionne du coup là-dedans. Et alors, Wolverine fonctionne de la même manière. Tout à fait. Wolverine, il est complètement là-dedans, effectivement, dans ces thématiques, notamment tous les épisodes de Wolverine au Japon et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est pas donné à toutes les figures historiques quand même, de pouvoir être comprise quasi instantanément dans un mélange entre le design, du coup, que ce soit le samouraï en armure ou le samouraï en kimono, et son histoire et ce qu'il représente. Et ce qui est très fort, c'est que ça peut vraiment être déclinable dans n'importe quel type d'univers ou de récit. Parce que si on prend, selon moi, les trois plus grands films de Kurosawa, qui vont être Les Sept Samouraïs, Kagemusha et Ran, à chaque fois, on a la figure du samouraï. C'est complètement différent dans l'optique, c'est complètement différent dans la narration. Et pourtant, cette figure du samouraï reste vraiment droite. C'est la même dans les trois cas. Ouais, justement, Sylvain Repos et après Julien Pelletier. Oui, juste pour parler de narration, la figure du samouraï, c'est un peu comme le chevalier, c'est hyper évident parce que ça permet au lecteur d'avoir un personnage principal hyper prédictible. En fait, on peut anticiper toutes ses actions parce qu'il est noble, on connaît évidemment ses armes, on sait qu'il va finir par battre le méchant. Et en fait, ce côté où le personnage est tellement simple, c'est tellement un archétype qu'il est qu'en fait tous les manipulateurs sont autour de lui, c'est forcément des méchants, et le héros noble, le samouraï, lui, est hyper prévisible, en fait. Et c'est... Mais justement, sur cette idée de prévisibilité, Sylvain Repos, est-ce qu'on sait automatiquement que le samouraï va gagner? Parce que comme il a cette possibilité par rapport à d'autres protagonistes principaux d'une histoire de se faire seppuku, c'est-à-dire que si jamais son honneur est mis en jeu, il peut lui-même mettre fin à ses jours. Il y a énormément de récits de samouraï qui se terminent très très mal. L'histoire des 47 Ronin, c'est quand même l'histoire de samouraïs qui choisissent la manière de mourir. C'est-à-dire, ils demandent réparation, ils veulent venger leur maître, mais ils savent que ça va les conduire à une mort inéluctable. Donc en fait, il y a aussi ça, je pense, dans ce qui plaît au grand public chez le samouraï, c'est que on n'est pas sûr de terminer l'histoire avec eux. Oui, mais c'est un personnage hyper tragique en général, parce que même une simple blessure, en fait, peut les clouer au sol. Enfin, c'est il y a tout ce côté-là où en fait c'est tellement vif. J'en parlais tout à l'heure, les coups de combat, en fait, tout peut être retourné en un instant. Du coup, même si le personnage gagne, généralement, bah il a une vie un peu malheureuse après. Voilà, on parlait de vagabond, il n'a pas forcément une vie hyper joyeuse non plus, il tombe malade une fois sur deux, dès qu'il pleut, bah, c'est une pneumonie pour lui. Enfin, il y a tout ce côté, c'est un peu miséreux, c'est vraiment le côté vraiment vagabond, c'est une sorte de sans domicile fixe qui va à travers tout le Japon juste pour se battre. En fait, c'est triste, il y a des fois des petits côtés pathétiques. On parlait du personnage qui veut pas vraiment évoluer, en fait, c'est des personnages vraiment tragiques, pathétiques, qui sont... Ils ne vivent que pour la bagarre, quoi. Donc, il y a toujours ce côté, ça finit mal, en fait, dans tous les grands héros, en plus de l'ère Sengoku et toutes ces choses-là, ils finissent tous méga mal. Enfin, il y en a pas un qui vit heureux, il meurt dans son lit. Ah oui, ils meurent pas dans leur lit. Hein. Ah non, ils sont tous tellement tragiques. Julien Pelletier? Je voulais faire une petite parenthèse sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je repensais à la fois à la parenté avec les chevaliers et en même temps à cet aspect crépusculaire, puisque quelque part ça se rejoint. Vincent a parlé du confucianisme. Effectivement, en Chine, le militaire est plutôt mal considéré et les classes supérieures sont occupées par les lettrés, les mandarins, ceux qui ont réussi les concours de l'administration impériale. Au Japon, cette philosophie va être un petit peu pervertie pour justifier l'hégémonie des guerriers. Donc, ce sont les guerriers qui vont cette fois occuper le haut du pavé et dominer politiquement leurs concitoyens. Et ce qui se passe à la fin du 19e siècle, en fait, avec la restauration Meiji, et d'ailleurs, c'est un peu partout dans le monde la naissance des grands nationalismes et aussi de ce qu'on va appeler par la suite le roman national, c'est-à-dire d'une façon de revisiter le mythe et la construction des différentes nations. Le Japon ne fait pas exception. Et que vont faire les penseurs de la période Meiji? Eh bien, ils vont s'emparer du samouraï, ils vont le comparer au chevalier pour s'en servir comme d'un argument pour que le Japon rejoigne en fait le club des grandes puissances. Et qui dit à l'époque dit grande puissance, dit grande puissance coloniale. Donc le Japon, pour entrer dans le concert des nations, comme on disait à l'époque, va revendiquer sa période féodale incarnée par le samouraï en disant « Regardez, nous aussi, on a vocation à rejoindre le club très fermé des grandes puissances coloniales, puisque nous avons traversé une période féodale qui ne disait pas vraiment son nom, celle des samouraïs. » Donc ce crépuscule et cette instrumentalisation du samouraï, elle apparaît très précocement en fait. Oui, c'est-à-dire que c'était la carte VIP. Regardez, moi aussi j'ai colonisé des territoires et tout. Quelque part, oui, c'est regardez, nous on est des occidentaux qui s'ignorent quelque part puisque nous aussi on avait nos chevaliers et regardez comme la parenté est flagrante entre les chevaliers d'Europe et qu'on redécouvre aussi à ce moment-là hein, le roman avec le roman national et nos propres samouraïs. Je suis un samouraï. Tu es plus qu'un simple samouraï. Tu es le fantôme. Convainc tes hommes de s'allier à moi, et je les laisserai en paix. Jamais nous ne vous servirons. Jamais je n'ai vu un samouraï se battre ainsi. Oublions ça. Tu es plus qu'un samouraï. C'est un esprit vengeur, revenu d'entre les morts pour anéantir les Mongols. Si tu continues sur cette voie, tu ne vaudras pas mieux que les Mongols. Je t'ai appris à te battre avec honneur. Tout honneur est mort sur la plage. Le Khan mérite de souffrir. La bande-annonce du jeu vidéo Ghost of Tsushima du studio Sucker Punch sur PlayStation 4 et 5, sorti en 2020. Un jeu vidéo dans lequel on incarne Jin Sakai, un samouraï issu d'une grande lignée, qui va apprendre tout au long du jeu à se défaire de ses habitudes de samouraï et embrasser celles du petit peuple, devenir un ninja, tuer des fois de manière un peu plus fourbe, mais pour que ça profite au peuple, etc. Et je me suis demandé si dans ce jeu vidéo, il n'y avait pas la réponse à la question que je me posais, finalement, est-ce que c'est vraiment le samouraï qui fascine ou plutôt sa forme dévoyée, celle du ronin, le samouraï sans maître, sans le sou, voilà, on en a parlé un petit peu avec Sylvain Repos, ce galérien voilà, qui peut mourir d'une pneumonie parce que il a plus d'argent, parce qu'il n'y a plus de seigneur derrière lui pour assurer sa subsistance. Déjà, juste en termes narratifs, c'est vachement plus simple d'écrire un personnage isolé que d'écrire toute une structure qui fonctionne de manière hiérarchique. Donc forcément que c'est beaucoup plus simple à raconter, donc on retrouve plus facilement cette figure-là. Et à comprendre. Et à comprendre aussi, oui, parce que du coup, il a des besoins simples, il mange, il boit et il se tape. Donc vraiment, c'est évident. Et puis même pour un lecteur, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus compréhensible. On s'identifie un peu plus facilement que à quelqu'un qui veut gravir les échelons. Si c'est pas notre délire de devenir le shogun, on a du mal un peu à suivre l'histoire. Et puis en même temps, il a ce côté hyper le fantasme de l'électron libre, le personnage qui défie l'autorité, qui justement fait tout à contre-courant, part tout seul dans une direction alors que tout le monde part dans l'autre. C'est toujours vraiment ce fantasme là qui est hyper pratique. Et en plus on peut jouer sur d'autres codes. Il est un peu plus bourru, il est un peu plus justement, on prend Lone Wolf and Cub où il y a ce personnage là de Ogami Ito, je crois, qui protège son fils au travers Daigoro. Oui, qui protège son fils et qui les gens se disent c'est marrant, ça ressemble vachement au Mandalorian. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. En fait, Et justement, on peut jouer sur toute une imagerie un peu différente aussi, parce que la tenue typique du samouraï, au-delà des habits, c'est aussi une coupe de cheveux qui marche pas forcément très très bien en Occident, qui est un peu risible maintenant, alors que le Ronin, on le montre généralement bien décoiffé, mal rasé, il a un côté un peu Wolverine, il est plus occidentalo-friendly, on va dire. Il est plus Keanu Reeves. Oui, voilà. Du coup, je pense que c'est ce qui marche bien aussi, c'est justement pouvoir s'éloigner un peu de l'imagerie typique féodale avec tous ces codes un peu plan-plan et pouvoir jouer sur ce côté un peu plus bourru, un peu plus gras. Vincent Lefebvre, j'aimerais revenir sur l'histoire des 47 Ronin, Ronin, je ne sais pas comment on le dit, si on le dit à la japonaise, et je ne sais même pas s'ils le disent comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire des 47 Ronin? Parce qu'il y a de très très belles estampes qui retracent cette histoire dans l'exposition L'Arc et le Sabre. Ouais, alors dans l'exposition, en fait, c'est la série d'estampes d'Hiroshige qu'on présente ne raconte pas les faits historiques réels, mais les pièces de théâtre qui en sont dérivées. En fait, l'histoire, bon, sans rentrer dans les détails, on se situe au tout début du XVIIIe siècle, où un daimyo des environs d'Osaka doit accomplir un rituel pour accueillir le shogun. Il doit donc prendre quelques cours pour apprendre tout, comment faire. Et il s'entend très mal avec le maître de cérémonie, qui visiblement n'est pas un personnage très sympathique. Bref, le ton va monter entre eux. Il va perdre son sang-froid, ce qui d'ailleurs pour un daimyo n'est pas tout à fait conforme au code de l'éthique. Bref, il va blesser assez légèrement le maître de cérémonie, mais il tire l'épée dans le palais du shogun, ce qui est un crime de lèse-majesté, et donc il va être condamné à se suicider, donc à pratiquer le seppuku. Et en plus, on va saisir l'ensemble de ses biens, ce qui est sans doute un peu excessif comme condamnation. Et du coup, bon, donc il meurt, ses biens sont saisis, et ses samouraïs deviennent sans maître, donc des ronin. Et une partie d'entre eux, donc au nombre de 47, va décider de venger l'honneur de leur seigneur, donc ils vont se cacher, enfin ils vont pratiquer une sorte de dissimulation pendant quelques mois, environ 2 ans, et puis ensuite ils vont aller prendre d'assaut la maison du maître de cérémonie, lui coupent la tête, et ils apportent la tête sur la tombe de leur seigneur. Et ensuite, bah, comme ils sont restés très fidèles, mais ils ont commis un crime, à leur tour, ils vont commettre le seppuku. Donc ça, c'est à peu près les faits historiques. Et puis ensuite, bah, très rapidement, la légende s'en empare pour, à travers de nombreux récits, des très grandes, de très nombreuses pièces de théâtre, de kabuki notamment. Et c'est justement des représentations de kabuki qui sont illustrées dans l'estampe. De manière magnifique. Et ça a été aussi récupéré par le cinéma avec une dernière version très peu de temps dans un film de Keanu Reeves, les 47 Ronin. Et indispensable. Mais alors je mettrai un gros nota bene parce que pour préparer cette émission, justement, j'y suis allé, mais avec le plus de sel possible en me disant ça va être encore un nanar. Keanu, il me fait des gros nanars comme ça. Et en revoyant le film en 2022, en regardant la production cinématographique hollywoodienne, eh ben on se rend compte que dans ce film, il y a une belle photographie, il y a des beaux décors, il y a des costumes de folie. Alors certes, c'est en anglais, alors qu'ils sont tous au Japon et qu'ils pourraient parler japonais, mais bon. Et mine de rien, il y a une ambition qui fait défaut à énormément de blockbusters sur lesquels on parle en long, en large, en travers, aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est un bon film dans l'absolu, mais au regard de la qualité actuelle du cinéma hollywoodien, je pense que 47 Ronin mérite d'être revu parce que on n'a pas à rougir en fait. Je pensais qu'il s'éloignerait beaucoup plus de l'histoire. Alors il rajoute une sorcière, une kitsune, il parle des tengu, mais même ça, c'est fait avec des moyens. On sent qu'il y a des artistes derrière, des concepteurs de costumes, d'effets spéciaux, etc., qui se sont dit, eh ben moi j'ai envie de faire un bon film. Au final, ça fait peut-être pas un tout qui se tient, mais sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, ça mérite le détour. Voilà, un soir, comme ça, regarder 47 Ronin et aller voir l'expo, L'Arc et le Sabre. Si je puis me permettre, connaissant les auditeurs de France Inter, si vous voulez également un vrai bon film pour bien comprendre la figure du Ronin, je ne saurais trop vous conseiller de regarder Saya Zamulai, oui. qui est un film de Matsumoto, dans lequel un samouraï sans terre errant avec sa petite fille se retrouve prisonnier d'un daimyo qui lui donne pour mission, il a 30 jours pour rendre le sourire à son fils. Et donc chaque jour, on va voir le samouraï en question essayer de mettre en scène un gag et échouer lamentablement jour après jour. Et à travers cette espèce d'humour gras, on voit toute la figure du samouraï qui lutte quand même pour pouvoir y arriver et éviter de devoir faire ses poucous. Si vous aimez pas trop justement la baston, vous préférez l'humour, franchement, Saya Samouraï est une très très bonne alternative aux 47 ruines. Julien Pelletier. Non, je plus sois. Alors, mais je vais quand même retenir votre conseil, Fred, et revisionner les 47 rollins parce que je veux pas. Je pense qu'effectivement il y a du bon. On est peut-être plus dans la SF, dans le médiéval fantastique. Moi, je me suis plus vu dans une partie de la légende des cinq anneaux. Ah mais complètement. Des jeux de rôle. Oui, oui, complètement. Avec le Killin, avec le. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'ai même vu des à un certain moment ils convoquaient plutôt les Wuxiapan. Un peu magique, Zou, le secret de la montagne magique, etc., les films de Troy Hark, mais vraiment, le fait de le voir actuellement, tout d'un coup, on voit que ce qu'on appelait peut-être être un nanar il y a quelques années, mine de rien, au fur et à mesure, c'est revu à la hausse, parce que en ce moment, on voit de vrais, véritables nanars. Alors, je sais pas si c'est le confinement, le fait que les équipes de techniciens des effets spéciaux sont aussi en burn-out permanent avec, comme le disait Sullivan, une envie de rentabiliser vite vite, sortez-moi un film, et que du coup les gens n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit, mais 47 Ronin, c'est encore un film où ils ont eu le temps de faire une proposition, et faire des propositions aujourd'hui c'est pas si évident. Et justement pour ça, j'aimerais revenir sur la maison d'édition Mangetsu, Sullivan, parce que vous avez fait la part belle aux histoires de samouraïs, et je voulais savoir comment on repère le titre qu'on va adapter. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire à proposer au public français, au lecteur français? Il y a autant d'histoires que de séries qui parlent de samouraïs dans la façon d'aller chercher les droits. Par exemple, Keiji, c'était un classique absolu de Tetsuo Hara, qui est un des très très très très grands auteurs, qui a notamment inspiré Hiroki Muraki, et voilà, et qui a fait Okuto no Ken, qui est le survivant chez nous. L'histoire était un peu passée inaperçue lors de sa première sortie, donc j'avais vraiment envie de lui rendre ses lettres de noblesse, parce que c'est un immense classique au Japon, en fait, qui permet en plus d'aller dans ce Japon que moi j'adore, du coup, fait de cerisiers, de routes à peine pavées, de guerriers incroyables, de mélange entre l'historique et le fantastique et tout ça. Butterfly Beast, par exemple, qui va traiter du destin d'une kunoichi, donc d'une shinobi au féminin, qui la journée est fille de joie et qui la nuit, du coup, est une assassine, enfin voilà, qui va chasser les shinobi dévoyés, comme on les appelle dans l'histoire. C'est vraiment, un jour j'étais en rendez-vous avec une maison d'édition à Tokyo et je vois ce truc et je tombe tout de suite amoureux, et je vois que c'est fait par Yuka Nagate, qui est une autrice que j'adore et que je lisais par ailleurs. Chiruran, c'est pareil, c'était lors d'un rendez-vous avec une autre maison d'édition, celle de Keiji justement, que au moment où on regarde un peu leur bibliothèque, ils me présentent ça et tout de suite. En fait, mais c'est ce que disait Sylvain un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tellement efficace, le drapé, le sabre et tout ça, que mes yeux se posent tout de suite là-dessus. Si on met un gros mecha et un samouraï, je vais regarder le samouraï en premier, c'est comme ça, j'y peux rien, je pense que c'est une déformation que j'ai depuis tout petit. Bon, Sylvain n'est pas trop d'accord, il aime bien les mechas aussi, mais moi aussi j'adore les mechas en plus. Hein. Par ailleurs, étant un éditeur généraliste, j'aime tous les genres, mais voilà, le samouraï, il y a une forme d'amour sincère, et en plus je pense qu'il y a une universalité dans le personnage du samouraï, il y a une forme de hauteur, il y a un côté de développement personnel, ce que le manga fait très très bien toujours, que ce soit via le shonen ou le seinen ou peu importe les genres, et c'est quelque chose auquel moi je crois, le fait de pouvoir se développer personnellement à travers des histoires, et donc particulièrement à travers des figures historiques ou des figures de ronin ou de samouraï ou de kabukimono, peu importe. Et voilà, c'est beaucoup de noblesse, c'est beaucoup de ce Japon, des traditions, tout ça, qui est quelque chose qui fait rêver un petit peu tout le monde, qui nous permet aussi de... Il y a quelque chose d'assez lent aussi avec le samouraï que moi j'aime beaucoup, quoi. C'est qu'on revient, on prend le temps, on est moins dans la frénésie du truc et tout ça. Et puis, globalement, dans l'histoire de la BD, l'histoire du manga, c'est souvent par les samouraïs que, enfin, par des histoires de samouraïs que sont passés les grands changements structurels tout à l'heure on parlait de Koike, du coup, l'auteur de Lone Wolf and Cub, et vous allez en reparler une prochaine fois, mais ce qu'il a fait à la BD, voilà, on le remerciera jamais assez. Il a changé littéralement les codes de la BD. Et là, Panini vient de ressortir le premier tome il y a peu de temps. Je conseille n'importe qui d'aller dessus. Sa place est dans un musée, vraiment. Oui. il a tout changé dans la séquentialité. Je veux dire, tout le Dark Age des comics derrière porté par Frank Miller, c'est un héritage de Kubrick. Le deuxième est sorti. Et le deuxième est sorti aussi, tout à fait. Non, mais c'est vrai, je l'ai acheté en plus. Donc, foncez sur les deux tomes. En plus, l'édition est absolument formidable. Panini a fait un travail assez dingue dessus. Et voilà, après, il y en a plein d'autres, encore une fois. Kenshin, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai grandi avec. Et pareil, gamin, j'avais besoin de ce Ronin qui a la lame inversée et qui a des personnages en couleur autour de lui. La lame inversée parce qu'il refuse de tuer. Exactement. Et toute cette grandeur d'âme, en fait, elle est vraiment très présente dans toutes les histoires de samouraï. Et là, avec Chiruran, je m'éclate beaucoup parce que il y a une approche de furyo, donc ce qu'on appelle le manga drakkai, des gens qui ne répondent à aucune règle et qui vivent très librement. Et le mélange avec ces membres du Shinsengumi est très intéressant parce que c'est pas très historiquement accurate, mais c'est quand même des vrais personnages et ça donne un côté assez rock'n'roll au truc, et en même temps ils ont quand même ces grandes valeurs et cette envie de partage et tout ce qui constitue le samouraï qu'on traite depuis 2 heures. Sylvain de Repos, le deuxième excellent tome de Yojimbo est sorti il y a très peu de temps, forcément là il y a déjà une sorte de prévisionnel de calendrier sur... J'essaye de me tenir à un an entre chaque tome, mais là ça commence à être difficile vu le succès du tome 2. J'ai dû faire beaucoup de dédicaces et j'en suis à 10 pages pour le moment. Donc... Alors Sylvain, je ne suis pas votre éditeur, mais prenez votre temps. J'essaye. Vraiment, voilà. Comme les samouraïs, voilà. Prenez le temps de faire un joli haïku graphique. Et vraiment, les lecteurs vous en seront reconnaissants. Même s'il y en a qui disent quand, les écoutez pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas véritablement ce qui leur ferait plaisir. Donc prenez le temps. Ça marche. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Vincent Lefebvre, merci. Je rappelle que vous pouvez aller au Musée Guimet voir l'exposition L'Arc et le Sabre jusqu'à fin août 2022. Sylvain Repos, merci. Merci pour Yojimbo, tome 1, tome 2. Ménagez-vous, reposez-vous. Merci. Une tisane et tout ça pour préparer tranquillement le tome 3. Prenez votre temps. Sylvain Roux, merci. Mangetsu, jetez-vous sur cette collection parce que vraiment, c'est fait. Tous les mangas qui sortent sont choisis avec soin et surtout, il y a une maturité et un amour de la narration dans ces œuvres qu'on ne voit pas partout. Il y a notamment Aoichi qui n'a rien à voir avec les samouraïs mais qui est vraiment un manga de sport, de foot, et je déteste le foot et j'adore ce manga vraiment, et je comprends la beauté du foot en lisant ce manga, donc merci du fond du cœur, c'est voilà, un compliment qu'on me fera aujourd'hui, c'est vraiment ça vaut le coup. Merci Mathieu Pinon. Je suis toujours ravi de faire les émissions avec vous parce que c'est toujours un plaisir d'être invité. Et puis voilà, c'est fluide, une parole fluide. Je vous aime bien, mon Mathieu. Si je puis me permettre un tout petit conseil de visionnage pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup parlé de la bataille de Sekigahara, de l'unification du Japon, sans jamais rentrer dans le vif du sujet, parce que de toute façon, on n'aurait jamais eu le temps de faire ça bien. Il y a une excellente série documentaire sur Netflix qui s'appelle Le Temps des Samouraïs. C'est 5 épisodes. Oui. Ça se regarde très très vite, c'est passionnant. Franchement, ça sera expliqué beaucoup mieux que nous n'aurions pu le faire. Donc si vous voulez compléter cette émission en vous instruisant, eh bien je ne saurais trop vous inciter à le regarder. Et enfin, on termine avec notre puits de science qui a tenu toute l'émission dans son salon, au téléphone à Tours, et c'était pas forcément évident, mais c'était un plaisir. On aurait été vraiment déçus de ne pas vous avoir avec nous. Julien Pelletier, merci. Merci beaucoup. Ah oui, et lisez les livres de Julien, ils sont vraiment formidables. Oui. Ben voilà, c'est... Merci à vous, merci à Mathieu d'avoir pensé à moi. Et merci à Sullivan en particulier pour ces très belles paroles de conclusion. Ce blockbuster a été réalisé, parce qu'on est au remerciement, il a été réalisé par... Merci Étienne Bertin, merci Étienne. Voilà, il a été préparé par Fabrice Rivaud et moi-même. On remercie Fabrice et aujourd'hui à la technique. Et on le remercie également, Ronan Mahé. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. My blade is angry. Want a taste? No mercy. Your time is up. You will find. In the fires of hell, we shall meet again. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.